Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et, comme à l'habitude, avec moi cette semaine, j'aurai mon collègue et mon ami, M. Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Ton pouce est pas trop endommagé? Pas trop douloureux? oui, un peu. Je te dirais que c'est quand on l'a handicapé qu'on se rend compte à quel point c'est utile. Hein? C'est utile des doigts. Hein? C'est juste que tu te coupes ou que tu te fasses un bobo à quelque part sur un doigt à un moment donné pour t'apercevoir que tu t'en sers peut-être plus que tu pensais. Mais... Oui, ben effectivement. Puis c'est drôle parce que effectivement, il y a des mouvements pour lesquels j'aurais jamais pensé avoir, tu sais, autant besoin de mon pouce. C'est vraiment niaiseux. Ouais. Mais on est fait comme ça pour une raison. Hein? On a 5 doigts pour une raison parce que c'est la meilleure configuration pour, tu sais, prendre des objets et des choses comme ça. C'est comme souvent quand on regarde un film, puis. T'sais, Hollywood va te faire un design d'un extraterrestre qui a pas de pouce, c'est comme pas logique, là, parce qu'il serait pas capable de rien tenir, là. Le pouce, c'est beaucoup plus important qu'on pense, mais bon. Oui, ben c'est ça. Mais il faudrait peut-être expliquer aux gens pourquoi j'ai un problème ben de oui, pouce. on Hein. s'en va vers là, là, là. Vas-y, parle-nous de ton histoire que tu as racontée dans le courrier. Aussi, tu as écrit un bel article là-dessus. J'invite les gens à aller le lire. C'est ton essai du Grand Cherokee Trackhawk qui ne s'est pas, ma foi, terminé comme tu le pensais. Non, pas vraiment. En fait, c'est terminé un peu plus abruptement que je l'aurais espéré. Ouais. Bon, je dois dire, et là, je vais être très précis. Le Jeep Grand Cherokee Trackhawk est une méchante machine de guerre. Oui. OK? Puis pour l'avoir vu, il est pas laid aussi. Il est vraiment beau, il est Oui. magnifique, Oui. Ça roule bien, c'est puissant évidemment parce qu'on parle de, c'est le moteur Hellcat, donc on a le V8, 6,2 litres, 707 chevaux, 645 livres-pieds de couple, un moteur surcompressé. Oui, ça vaut 110 000 $, mais c'est une bombe incroyable. Ouais. C'est un véhicule qui est capable de performances spectaculaires. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de l'essayer sur une piste à Calabogie. Entre autres, je l'avais essayé dans une première mouture au Texas aussi, sur le Circuit of the Americas. Écoute, c'est vraiment un véhicule exceptionnel. C'est un véhicule exceptionnel aussi parce que c'est un utilitaire sport qui est capable de se comporter comme tel. Okay. Donc, il y a tous les rouages intégraux possibles. Bien sûr, la garde au sol est plus basse, on s'entend. C'est un véhicule de performance. Mais il est quand même doté d'un rouage intégral qui est, ma foi, tout à fait digne d'un Jeep. Puis, c'est pas vrai que parce qu'il est puissant, il est pas capable. Okay. OK? Il est très performant. L'intérieur, c'est confortable. Les sièges sont très enveloppants. La qualité de finition est bonne. Le système Uconnect, on en parle à chaque fois qu'on essaye un système de Chrysler. Tu le sais, c'est encore un des meilleurs sur le marché. Un des plus complets, plus faciles à utiliser, ouais. Exactement. L'écran tactile répond rapidement. Tu sais, ça va super bien. Et parce que c'est le Trackhawk, ben, tu as des options qu'on retrouve normalement sur les versions SRT, là. Donc, tu peux changer tes réglages, mettre plus ou moins de puissance, là. Tu sais, tu peux aller jusqu'à 700 chevaux, mais tu peux limiter à 500. Est-ce que tu as deux clés comme dans le Charger L4, le Ouais, Challenger L4? ouais. Ouais, tu as une clé rouge, une clé noire. Exactement. OK. Et tu peux régler tes suspensions de façon plus rigide, ta direction. Bref, tu peux vraiment tout faire. Ceci étant dit, ça fait un véhicule très confortable, très agréable, très spacieux, rien à dire. Là-dessus, rien à redire, vraiment super efficace. C'est légèrement over the top, comme on dirait, par exemple. Ouais, c'est légèrement over the top. C'est un utilitaire sport dont tu n'as pas nécessairement besoin. Hein? On non, s'entend. T'as besoin de l'utilitaire sport. T'as pas nécessairement besoin de la puissance qu'ils ont mis sous le capot. Non, non, c'est ça. C'est dans le sens que je disais ça. Ouais, c'est un peu effectivement hallucinant, mais en même temps, tu ne le ressens pas tant que ça si tu t'en sers pas. Ouais. Je veux dire, si tu as le pied un peu léger, tu es capable d'avoir une conduite quotidienne qui est, ma foi, très intéressante. Bien sûr, ta consommation de carburant est un peu intense. On parle d'à peu près 15-16 litres au 100. C'est une bonne manière d'être invité au party de Noël de ton pompiste préféré. Oui, effectivement. Mais ce n'est pas nécessairement souhaitable parce que prendre une deuxième hypothèque sur ma maison pour rouler mon char, ce n'est pas dans mes ambitions. Ouais. Ceci étant dit, j'ai roulé toute la semaine avec, il n'y a pas eu de problème, ça allait super bien et honnêtement, rien à redire. Temps plus frais, écoute, évidemment, pas de problème. Il y a même un mode, il y a tous les modes là, de rouage intégral. Le dimanche, le vendredi, il y a une petite neige la semaine dernière qui a fini par être une plus grosse neige. On enregistrait justement le matin, puis tu m'avais dit « Ah, chez nous, il n'y a rien. » C'est ça. Moi, il avait tombé quelques centimètres, puis je me dirigeais vers le bureau après, puis j'envisageais déjà arriver très très en retard, là, ouais. C'est ça. Mais Ouais. bon, finalement, ta neige m'a rejoint. Mais c'est ça. Et en Karma, après-midi. karma. Ouais, exactement. dans l'après-midi, il s'est mis à neiger pas mal. Puis il y a eu une dizaine de centimètres de neige. Le problème, c'est que les rues n'étaient pas aussi bien déblayées qu'on aurait pu le souhaiter. Et ben, le Jeep Grand Cherokee était monté sur des pneus d'été de performance. Bon, c'est Et là, l'équivalent de rouler sur des pneus fesses quand il fait en bas de 7 degrés, finalement. exactement. Ouais. Sauf que là, blanc mon pas Jeep, OK? Non, non, non, non, non. D'abord parce que la neige est arrivée un mois avant ce qu'on est habitué. Oui. Puis d'autre part, parce qu'en théorie, j'étais le dernier à conduire ce véhicule-là qui sortait de la flotte de presse. Ouais, puis faut s'entendre que ça coûte cher des bottines pour ces genres de véhicules-là. Donc, des pneus d'hiver, ça aurait coûté une fortune à Jeep à Pour mettre ça rien. là-dessus pour un conducteur. Fait que C'est ça. normalement, on prend une chance, tu sais. Puis on n'était pas dans une période où c'était vraiment prévisible. Ouais. Tu sais, là, à un moment donné, il faut aussi être réaliste dans la vie, là. Je veux dire, c'est le 15 décembre qui est la loi, puis eux autres leur tiraient quand même un mois d'avance. Oh oui, donc ils ont fait ce Peux qu'ils pas le avaient à blâmer. faire, puis on Ils ont s'entend, fait ce qu'ils ont. c'est pas le véhicule que Chrysler va prêter à tout le monde, là. Tu sais, genre, ils me l'offrent pas à moi, là. Faut que tu sois comme monsieur journaliste pour l'avoir, tu sais, monsieur Marc Bouchard, genre. C'est ça. En tout Gang, cas. Et la semaine d'avant, j'avais eu le Challenger, je te rappelle, qui était aussi sur des pneus d'été. Alors, tu gang. Ouais, sais, gang, gang, gang. c'est des véhicules qu'on ne sort pas en hiver, Non, donc non. ce qui était en fin de vie, si tu veux, pour la flotte de presse. Ouais. Alors, rien à redire là-dessus. Bon, je roule bien gentiment dans ma petite ville de Saint-Hyacinthe et il y a un endroit en face du poste de police, pour ceux qui connaissent la place, où il y a une petite descente et un virage vers la droite. J'ai pris la descente et le virage vers la droite. Écoute, j'ai regardé à quelle vitesse je roulais. Je roulais 35 km/h. Ce qui est pas vite, là. Ce qui n'est pas vite, là. Tu sais, on s'entend. J'étais d'une grande prudence parce que je savais que les conditions étaient loin d'être idéales. Le problème, c'est que dans le virage, ben, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ça s'est mis à déraper des quatre roues, mais à déraper. Tu sais, comme si, tu sais, quand on était jeune puis qu'on faisait les caves, qu'on mettait des plateaux de cafétéria en dessous de nos roues, là. J'ai jamais fait ça. Non, tu devrais essayer. C'est assez spectaculaire. Fait que Tu peux faire finalement, ta... tes quatre nœuds sont devenus quatre pierres de curling. Exactement. Ouais. Littéralement. Ouais. Et bon, j'aime à penser que je ne suis pas un mauvais conducteur. Continue à C'est-à-dire que penser ça, c'est correct. je suis pas un pilote de course, Non, t'es... mais j'ai fait assez de trucs de conduite avancée. J'ai fait de la piste. On était allé ensemble sur la glace. Je suis allé à quelques reprises. Je roule beaucoup à tous les ans. T'sais, je pense que j'ai de l'expérience. Puis, j'ai suivi les cours pour devenir moniteur de conduite. Bref, je pense que je suis pas un mauvais conducteur. Puis, je sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Ouais, t'as de l'expérience. Et la voiture que j'avais était performante, elle était en mode neige, c'est un des meilleurs rouages intégral que tu peux trouver, il n'y a aucun doute là-dessus. Malgré ça, malgré le fait que j'ai pris tous les moyens, que j'ai contrebraqué, que j'ai accéléré au bon moment, que je regardais où je voulais aller, que malgré ça, je me suis retrouvé dans le banc de neige sur le côté de la rue. Ouais. Et après un dérapage des quatre roues. Et j'essayais, là. Et tu sentais que le Jeep essayait, là, mais il n'y avait aucune espèce de forme d'adhérence. Non, Aucun. c'est ça. T'as beau avoir quatre roues motrices, si tes pneus adhèrent pas, Exactement. c'est de valeur, là, mais. Fait que s'il y a encore du monde qui ont des doutes quant à la capacité de pneus d'hiver face à des pneus d'été, appelez-moi. Je vais vous envoyer une photo de mon pouce. Pourquoi de mon pouce? Parce que, il faut que je vous dise que quand j'ai heurté le banc de neige, ben évidemment, je tenais mon volant parce que j'essayais de contrebraquer. Et quand ça l'a heurté assez fort, le volant a donné un coup et la branche du volant m'a accoté sur le pouce. OK, ouais. C'était niaiseux de ma part, j'avais pas d'affaire à mettre le pouce à l'intérieur, on nous l'enseigne tout le temps, mais bon, je l'ai fait, ça c'est ma niaiserie à moi. Bon, mais Et à un mon moment pouce. donné, dans un moment de panique, là, tu Ouais. réalises que tu peux rien faire pour l'empêcher à un moment donné, puis tu sais, Non, ben c'est parce qu'en fait, je tenais le volant, tu sais, vraiment d'une main un peu serrée, puis OK, bon. ouais. De son côté, mon épouse était à droite, elle, puis elle tenait la poignée, puis son poignet aussi a foulé parce que ça a donné quand même un contre-coup assez important. Ouais. Mon pouce est devenu d'un beau mauve foncé OK. et pas mal moins actif. Là, ça va mieux quand même, c'est une semaine, là, mais il y a été quelques jours où il était plus difficile. Alors, tout ça pour dire que le Jeep n'a rien à se reprocher, rien du tout. Il a fait, et tu sentais qu'il voulait faire ce qu'il avait à faire, mais malheureusement, il n'y avait pas l'adhérence pour le faire. Alors, si vous n'avez pas des pneus d'hiver, vous ne pouvez pas vous permettre de rouler dans des conditions comme celle-là. Je l'ai fait, j'ai payé le prix pour, c'est innocent de ma part. Ben en même temps, tu sais, j'avais pas le choix, là, fallait bien que j'en vienne chez nous. Ouais, c'est ça. Mais c'est la preuve, hors de tout doute, que malgré la capacité de ce véhicule-là, malgré l'intérêt de ce véhicule-là, ben si on est mal chaussé dans des conditions les plus extrêmes, ben c'est pas une bonne idée. Non, c'est aussi simple que ça. Peu importe la capacité de la voiture, si les pneus suivent pas la capacité, c'est plate, mais c'est le champ assuré. Oui, et si on poursuit dans la même veine, la semaine dernière, bon, comme tu sais, je participe à une émission qui s'appelle Virage à Québec. La semaine dernière, pour Virage, je devais amener la BMW M2. Oui. Petite BMW. Une autre belle voiture à conduire dans la neige sur des pneus d'été. Exactement, c'est mon genre. C'est comme du, tu sais. Ouais. Alors, écoute, on parle quand même d'une voiture, le petit coupé, là, c'est 365 chevaux, c'est un moteur 6 cylindres en ligne, 3 litres turbo. C'est encore une fois une machine de guerre, un véhicule qui vraiment va super bien, qui est tellement précis dans sa conduite, qui est tellement agréable, c'est vraiment, vraiment le fun à conduire. Le problème, c'est que lui aussi était monté sur des pneus d'été. Alors, quand je suis allé à Québec la semaine passée pour l'émission, pas de problème, la voiture, comme je te dis, c'est super bien comportée, très agréable et tout. Quand je suis revenu, bon, évidemment, vendredi, elle est restée prise dans la rue. On est obligé de pousser pour la rentrer dans le cours parce qu'elle ne montait pas la côte. Lundi, je devais la ramener. Quand j'ai vu la température, j'ai fait quelques kilomètres, j'ai viré de bord. Je dis non, mais je m'excuse, là. J'ai dérapé une fois, je ne déraperai pas deux fois. On n'endommagera pas deux voitures très, très chères dans la même semaine. C'est pas vrai. C'est ça. J'ai par la suite, donc, viré de bord. Mardi, il faisait toujours pas beau, j'ai toujours gardé la voiture. Mercredi, il faisait toujours pas beau, j'ai toujours gardé la voiture. Ce qui fait que je suis allé la porter jeudi matin. Ouais. Faut dire que personne ne l'avait réservé pour la semaine d'après. Fait que ça, non. T'as pas affecté personne. Là. Non, ça. Non, puis j'ai avisé les gens de BMW, c'était clair avec tout le monde. Là. Sauf que jeudi matin, il faisait comme moins 1000 à peu près. Ouais. Et encore là, je me suis rendu, mais les 10 premiers kilomètres, j'avais l'impression de rouler sur des blocs de bois. Les semelles étaient dures. Il n'y avait aucune adhérence. Sur l'autoroute, ça allait plutôt bien parce que, bon, c'est en ligne droite. Il n'y avait aucun obstacle sur la chaussée. Là, c'était vraiment l'asphalte. Donc, au fur et à mesure, les pneus se réchauffant, ça donnait une meilleure adhérence. Ouais. Mais entre ma maison et l'autoroute, je t'avoue que je conduisais les fesses un petit peu serrées et que j'espérais que ça tienne la route. Finalement, je me suis rendu et quand je suis arrivé chez le concessionnaire BMW à Laval, que je leur ai donné les clés, le directeur de service et son acolyte sont venus me voir en riant, en disant « Quand tu t'es rendu, on était prêt à t'envoyer une remorque chercher la voiture. » Et ils m'ont dit que... Bon, la semaine avant moi, la personne qui l'a eu a eu un petit peu de neige et n'a pas pu la rapporter non plus. Ils sont allés la chercher. Ouais. Okay. Alors, moi, ils disaient, on t'a trouvé brave de partir avec. Moi, c'est parce que je n'avais besoin pour l'émission de télé, ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment, ça s'est bien déroulé. J'ai été chanceux, il n'y a pas eu d'incident. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on enregistre vendredi matin, 23 novembre. Si vous n'avez pas vos pneus d'hiver, s'il vous plaît, soyez prudents. Ne roulez pas inutilement et dépêchez-vous d'aller les faire installer parce que vraiment, vraiment, la différence est incroyable. Et j'avais la discussion avec ma femme cette semaine, puis elle disait, c'est drôle, elle dit, il y a 10 ans, on roulait sur des pneus 4 saisons, puis on se promenait en hiver, puis on avait l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Ouais. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir des pneus d'hiver et de la facilité que ça nous donne à conduire. Et je pense que ça ne vaut plus la peine de prendre le risque. Honnêtement, moi, je suis, en tout cas, un fan fini des pneus d'hiver, encore une fois de plus. J'aimerais voir, je ne sais pas si peut-être tu peux trouver ça, toi, tu as accès à beaucoup de choses, peut-être pour la semaine prochaine, les statistiques entre le temps où on conduisait avec des pneus 4 saisons, puis maintenant avec des pneus vraiment t'sais, homologués pour l'hiver, comment... c'est quoi le pourcentage de moins d'accidents, mettons, quelque chose comme ça. Là, il me semble que ça serait intéressant à savoir si, c'est quoi l'impact que ça a eu de changer pour des pneus, vraiment des pneus d'hiver. Parce qu'on se demande à un moment donné, toute notre jeunesse, en tout cas toute ma jeunesse, mon père a toujours eu des pneus 4 saisons et non pas des pneus d'hiver. Puis on se sent en sécurité tout ça. Est-ce qu'ils ont changé la composition des pneus pour que les pneus d'été, des pneus 4 saisons soient plus adhérents l'été et moins adhérents l'hiver pour vendre plus de pneus d'hiver? Ou est-ce que c'est juste une question de logique? Je sais pas, c'est pourquoi... qu'on se sentait si en sécurité, si dans le fin fond, on ne l'était pas. Là. Mais, ça, je pourrais pas dire, mais n'empêche que je trouve ça quand même particulier qu'effectivement, on se sentait plus en sécurité à ce moment-là. Ouais. Et là, pas vraiment. Tu sais, j'étais dû pour remplacer les pneus sur mon camion cette année, puis j'ai acheté, j'hésitais parce que je sais pas combien de temps je vais le garder, puis acheter des pneus d'hiver, puis acheter des pneus d'été, parce que moi les deux sont dus, c'est conséquent comme montant là. Fait que je me disais, ben si j'achète des pneus 4 saisons, ben je vais payer une fois. Oui, ils vont se magasiner plus vite, ils vont s'user plus vite, mais je pense pas garder le véhicule encore assez longtemps pour me rendre au bout du temps des pneus. Puis finalement, j'ai juste décidé que côté sécuritaire, j'allais acheter des pneus d'hiver, puis j'allais racheter des pneus d'été au printemps. C'est une très bonne initiative parce que, tu sais, les pneus 4 saisons, il y en a actuellement qui sont homologués pour l'hiver, là. Mais c'est généralement pour des gens qui font beaucoup de villes et qui font surtout pas beaucoup de distance par année. Super. Parfait, Marc. Donc, on va terminer le premier bloc là-dessus. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec les nouvelles. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure des nouvelles. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, mon cher? Ben, c'est la période des top 10. Hein. Tu le sais, il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de médias qui font leur top 10 ou leur top meilleure voiture ou leur top n'importe quoi. Alors, cette semaine, c'est auto123.com qui a sorti ses classements des meilleures voitures de l'année. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que je faisais partie du jury de Auto123. Donc, évidemment, il y a un petit peu de moi là-dedans. comme la soupe Campbell, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Exactement. Okay. J'ai pas l'intention de toutes vous les nommer parce qu'il y en a 19. Il y a 19 catégories. Alors, tu comprendras que ça prend. On va se garder une petite gêne. tu comprendras toute l'émission. Mais sache par exemple que la sous-compacte de l'année a été la Hyundai Accent, par exemple. OK. On a vraiment essayé d'aller très large. La voiture compacte de l'année, c'est la Civic. Puis comme ça, il y en a 19 dans chacune des catégories. Je vous invite à aller sur le site auto123.com. Vous avez là tous les choix en expliquant un peu pourquoi, puis quelques citations des membres du jury. Il y avait moi, il y avait Denis Duquet, il y avait Benjamin Hunting, il y avait Dan Heyman, il y avait Vincent Aubé, il y avait Daniel Ruffiange, entre autres. Qui ont collaboré à ça. Okay. Je vous invite à aller voir ça et honnêtement, je serais curieux d'avoir vos commentaires parce que même moi, je ne suis pas d'accord avec les 19 choix, on s'entend. C'est un jury, on a tous voté puis il y en a qui ont gagné alors que moi, je n'aurais pas nécessairement fait gagner. C'est un peu comme la voiture de l'année à la Jacques. Je vous ai servi à la même chose à un moment donné. C'est comme, OK, c'est cette voiture-là qui a gagné. Pourtant, il me semble que, mais, tu sais. Exactement. On a chacun nos choix. C'est puis, ça. Bon, alors, pour ton information, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, je veux aussi te dire que dans les voitures pleines grandeur, c'est la Toyota Avalon qui l'a emporté. Sans grande surprise, d'après moi. J'étais contre la Kia Cadenza, notamment, là. Fait que. Ouais. Ben, deux voitures obscures. deux voitures. Donc, quand t'en vois une, tu t'achètes un billet de 6,49 parce qu'il y en vend deux. Quoique l'Avalon maintenant est un peu plus populaire. Oui, elle va le devenir de plus en plus, d'après moi. C'est ça. Alors, tout ça pour dire que c'est. Donc, tu as les prix auto 1-2-3 que je tenais à mentionner parce que je pense que c'est toujours intéressant ce genre de classement-là. On est d'accord ou pas, là, hein? On le dit. Mais c'est toujours le fun à voir, puis avoir vos commentaires là-dessus, ça m'intéresse. Alors, faites-les parvenir à info@saroulradio.com ou sur notre page Facebook. Je suis très curieux de voir quels sont les commentaires que vous avez à faire. C'est bon. Dans la série des autres top 10, il y a Consumer Report qui a fait une enquête auprès de ses membres, et ils sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vérifient quelles sont les meilleures voitures pour l'hiver en 2018. OK. Ils ont fait un top 10 qui m'a un peu surpris, je dois te le dire, parce que les premiers résultats, en tout cas, tu vas voir, puis tu me donneras tes commentaires aussi. En 10e position, c'est le Jeep Wrangler. Bon, pourquoi il est en 10e position? Parce que c'est la version 2017-2018, évidemment, qui a été évaluée, non pas le nouveau Wrangler. OK. Donc, parce que, évidemment, c'était par rapport à l'hiver passé, hein, l'hiver étant officiellement pas encore arrivé cette année. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il prend un peu d'avance, mais théoriquement, on n'est pas encore en hiver. Ouais. C'est ça. Alors donc, c'est celui de l'an passé, ce qui explique peut-être que son classement soit un peu plus loin. Okay. Mais quand même, c'est bien. Par la suite, on arrive avec des gros utilitaires. Un gros utilitaire comme le Tahoe ou le GMC Yukon. Des gros véhicules. Là. C'est sûr que c'est un classement qui est fait aux États-Unis. Hein. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus populaires là-bas qu'ici, mais c'est quand même des bons véhicules hivernaux. En 8e position, c'est le Volvo XC60. Et ça, étonnamment, ce n'est même pas, ce ne sont pas les lecteurs de Consumer Report qui l'ont inscrit sur la liste, ce sont les journalistes de Consumer Report, tellement ils l'aimaient. OK. Alors, j'ai trouvé ça quand même intéressant. En septième position, ça, c'est une des surprises de Buick Enclave. OK. C'est pas un mauvais véhicule, loin de là, mais dans la série des véhicules hivernaux, il n'y aurait pas nécessairement fait figure de favori dans ma liste à moi. Ouais, non, probablement pas. Mais bon, il semble qu'il soit plus efficace que je ne le pensais, donc c'est peut-être un bon choix. En sixième position, le Jeep Grand Cherokee. Alors, pour ceux qui ont écouté la première partie de l'émission, on vous rappelle que c'est un excellent véhicule pour aller hors route et pour rouler en hiver, à la condition qu'il soit bien chaussé, bien entendu. C'est ça. En cinquième position, c'est le Toyota 4Runner, un autre véhicule que l'on voit à peu près pas chez nous. Ben, de temps en temps, mais beaucoup plus rarement qu'avant. Oui, et Il y en avait beaucoup plus souvent sur les routes dans les années 80-90 que maintenant. c'est ça. Et ce qui est particulier, c'est qu'il fait encore partie des véhicules les plus volés en termes au prorata du nombre d'unités vendues. OK, non, c'est Hein. spécial. Ouais, mais c'est parce que ça s'exporte facilement. Puis c'est les gros utilitaires de cette nature-là sont très recherchés dans d'autres pays. Alors c'est encore un des plus volés au Canada. Bon, OK. En quatrième position, c'est le VUS qui n'en est pas un, ou en tout cas en est-il un, on ne le sait pas, le Subaru Crosstrek. Ouais, c'est un peu interne comme joke, là, par exemple, parce que les gens la comprendront pas, mais oui, Oui. Non, ben en fait, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a eu tout un débat. C'est pas interne vraiment, parce qu'il y a eu tout un débat suite à la publication par des journaux de la possession par la députée Catherine Dorion de Québec solidaire qu'elle a un Subaru Crosstrek. ouais. Et là, le débat, c'était est-ce que c'est un VUS ou c'en est pas un? Écoutez, oui, c'en est un. C'est un utilitaire sport. Oui, c'est dans la mesure où n'importe quoi maintenant est un utilitaire sport. Fait que oui, c'en est un. Et il est en quatrième position au niveau de la conduite hivernale. Alors, on peut au moins saluer son désir de sécurité pour sa famille. Ouais, c'est bon. Tiens. En troisième position, le Chevrolet Suburban et le GMC Yukon XL. On est encore dans le très, très grand format. Ouais, ben on est dans ce que les Américains aiment, là. C'est ça. Et là, il reste les deux premières positions. Puis je vais te demander, si je te dis, les deux sont de la même compagnie. OK. Puis il y a au moins un autre membre de la même famille qui est dans le top 10. Puis on parle de véhicules hivernaux. Véhicules hivernaux. Donc, rouage intégral. Ouais. T'as un petit peu, ouais, la même famille, même compagnie. Ben, je serais tenté d'aller vers Ford, mais j'ai de la misère. Ford Edge ou quelque chose comme ça, je sais pas. J'ai de la C'est misère. Subaru. Ah, ben oui, OK, ouais. Subaru qui, en deuxième position, arrive avec le Subaru Forester. OK. Qui, encore une fois, devrait peut-être l'an prochain améliorer son classement parce qu'il a été renouvelé depuis. Et en première position, c'est la Subaru Outback. Quand On même sait que. surprenant que Subaru ait tant de gagnants aux États-Unis. Je pensais pas qu'il était si populaire que ça aux États-Unis. Trois dans le top 4, c'est quand même étonnant. C'est extraordinaire. Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc, je trouve ça quand même intéressant pour eux autres. Et ça fait partie des choses qui. Honnêtement, qui prouve que Subaru est vraiment sur une lancée, puis que c'est pour ça que les ventes augmentent autant chez Subaru. J'ai dit Ford Edge, mais je pensais à l'Expédition. Parce que le Ouais. Edge n'a pas été renouvelé depuis un petit bout de temps, là, mais je pensais à Et puis l'Expédition voilà, qui. le nouveau Edge, puis le Edge ST, là. Ouais, c'est ça. Mais je pensais à l'Expédition qui est un gros VUS. Je pensais que les Américains étaient friands de ça puis que ça avait gagné quelque chose. Mais bon, OK. Ouais, mais Subaru, c'est bien pour eux autres. Tout à fait. Hey, toi, tu es un gamer? Oui. Est-ce que tu es un bon gamer, un bon pilote de course gamer? Non. Ah, OK. Pas Parce que assez pour concourir. tu aurais pu te joindre à un concours qui est mené conjointement par The World Gaming Canadian Challenge et par FAF Automobile. Ouais, FAF FAF, c'est un groupe qui distribue la McLaren au Canada. notamment, mais qui ont aussi une écurie de course dans plusieurs catégories, qui sont aussi, en tout cas, c'est absolument gros, FAF, là, c'est énorme. Ouais. Et ils ont lancé un concours pour la deuxième année en collaboration avec le World Gaming Challenge et avec Forza Motorsport 7. Si vous voulez vous joindre à ça, il y aura des qualifications du 9 au 15 janvier et deuxième qualification du 16 au 22 janvier. Évidemment, tu auras compris que c'est un tournoi en ligne. Oui, Tu bien peux te sûr. qualifier. La première qualification se fait au volant d'une BMW M4 GTS sur le circuit de Virginia International. La deuxième qualification se fait au volant d'une McLaren 570S sur le circuit de Laguna Seca. Et parmi les qualifiés, on va prendre les 16 meilleurs. Et on va les amener au Salon de l'Auto de Toronto, où il y aura d'autres qualifications pour arriver avec 16 à la fin pour la grande finale. OK? OK. Et à la grande finale aura lieu la dernière journée du Salon de l'Auto de Toronto, et le gagnant va s'en sortir avec 7 500 $ en prix, qui est quand même pas pire. Qui est mieux qu'une tape sur le nez. En tout cas, ça paye une pas pire console. Mm-hmm. L'occasion d'aller essayer, lors de la journée d'essai de Pfaff Motorsports, sur le Canadian Tire Motorsport Park, avec un vrai char. Là, oh oui, oui, oui. Là, c'est, bon, c'est, l'expérience avait déjà été faite, tu te rappelleras, avec Nissan, qui avait fait ça avec la GT Academy, oui. Et dont un des gagnants avait participé à la Coupe Micra. Mm-hmm. Puis il avait bien fait à part de ça. Il avait très bien fait à part ça. Il était même deux, je pense, une année, en tout cas. Donc, c'est un peu le même principe, mais là, ce serait de faire partie de l'équipe Pfaff Motorsports. Donc, évidemment, là, si tu veux y aller, la première place, c'est 7 500 pièces, la deuxième, 4 000, la troisième, 2 000. Ça va comme ça jusqu'à la 16e place où vous avez au moins 125 $. Mais pour ça, vous devez, évidemment, vous qualifier. Alors, je répète que les qualifications ont lieu soit du 9 au 15, soit du 16 au 22 janvier prochain. Et si vous allez sur le site de worldgaming.com/Forza, vous allez trouver à ce moment-là tous les détails. Et bien sûr, ça va être la meilleure façon de vous inscrire. Honnêtement, j'ai aucun talent pour ce genre d'affaires-là, donc je ne m'essayerai pas. Mais les gens qui vont se rendre au Salon de Toronto vont aussi pouvoir tester ça, mais à l'intérieur d'un vrai simulateur, avec ouais. Un siège qui bouge et tout. Mm-hmm. Donc, ça devrait être quelque chose d'intéressant, mon cher. Oui, sûrement. Puis ça va peut-être partir une nouvelle carrière pour quelqu'un. C'est exactement. Non, puis je trouve que c'est super intéressant comme idée, là. Oui, oui, oui, oui, oui. Ça, c'est de plus en plus commun parce que c'est, tu sais, certains jeux de course comme ça sont presque des simulateurs. Je suis pas sûr que Forza est le plus proche d'un simulateur, par exemple. Là. Non, moi non plus. C'est plus fait en collaboration avec Microsoft puis avec le Xbox. Donc, c'est un peu normal que ce soit fait comme ça, mais quand même, c'est intéressant comme idée. Bon, oui. Et une dernière petite nouvelle, mon cher, avant de finir. Mm-hmm. Est-ce que tu veux t'acheter une BMW électrique? Ben, pas vraiment. J'ai pas vraiment les budgets m'acheter une BMW. Normalement, la voiture électrique est un petit peu plus dispendieuse qu'une voiture normale. Donc, je te dirais non. Mais là, on le sait pas encore, en fait. Parce que, on peut s'en douter, par exemple. Ouais, c'est parce que BMW a présenté son iX3 un peu plus tôt cette année. OK. Au salon à Paris. Donc, c'est un petit VUS électrique qui va arriver en 2020. Mais à partir de cette semaine, en France, puis éventuellement un peu plus tard chez nous, on peut déjà faire une première réservation de ce véhicule-là en versant 1 500 € d'acompte. Okay. C'est la stratégie Tesla. On le sait, on la connaît. Mm-hmm. Donc, on vous invite à miser là-dessus. On n'a aucune idée de la motorisation. On ne sait pas plus que de quoi elle aura l'air à l'intérieur. Ce qu'on nous a dit, c'est que c'était 270 chevaux 400 km d'autonomie. Okay. On parle 100% électrique. On parle 100% électrique. On parle vraiment d'un compétiteur au Audi e-tron puis au Mercedes EQC qui vont arriver là au cours des prochains mois. Mm-hmm. Donc, si tu veux faire ta réservation sur le BMW iX3, ça s'appelle bmwbethefirst.fr et tu peux aller verser ton 1 500 € d'acompte. Ça fait tellement français d'avoir un nom anglais pour le site .fr. Effectivement, je trouve ça très joli. Oui, c'est drôle comment... Les anglicismes sont beaucoup plus utilisés là-bas qu'ici même. Même si nous autres, on en utilise beaucoup en France, c'est « over the top », comme on peut dire. Oui, puis en France, ça paraît bien de se parler en anglais entre eux, avec un accent. Ouais. Alors voilà, mon cher, qui met fin à mon petit bulletin de nouvelles de la journée. Super, donc on va terminer là-dessus, Marc. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Sur mon blog, marcbouchard.ca, mais idéalement sur ma page Facebook, Marc Bouchard, ou mon Instagram, Bouchard_Marc. Bien sûr, Twitter, Marc_Bouchard. Et comme je l'ai mentionné précédemment, on attend vos commentaires à info@saroulradio.com. L'adresse courriel que l'on partage tous les deux, mais toi aussi, on peut te rejoindre personnellement. Oui, sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormeau, Instagram, Desormeau Luc. Vous aurez vu que je n'ai pas mis de photos de voiture dans les dernières semaines. C'est parce que je n'ai pas de voiture dans les dernières semaines. J'ai décidé de garder mes propres voitures pour pouvoir les chausser de pneus d'hiver. Donc... Je vais avoir des voitures début décembre, mais en attendant, j'ai gardé les miennes pour pouvoir m'en occuper un peu. Aussi, je fais un autre podcast qui s'appelle Réalité Augmentée, où on parle de jeux, de techno et de tout ce qui concerne un peu le divertissement. Et puis, vous pouvez nous écouter, c'est Ça Roule Radio, je parle, sur sportradio.ca et Radio Média Plus. On est aussi disponible sur Spotify, sur iTunes et sur Google Play. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission encore une fois cette semaine. Marc, j'espère que ton pouce va encore aller mieux la semaine prochaine. Et puis, on va espérer. Il va changer de couleur. À un moment donné, soit cet été, tu vas avoir le pouce vert. Donc, on va pouvoir... Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.